can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. Je l'imagine nue sur le sable, allongé sur mon sofa. Face à elle, mes mains tremblent, je deviens maladroit. N'en fais qu'à sa tête m'exaspère et j'aime ça. Quand elle m'appelle, je perds ma langue, tâche de garder mon sang froid. Mais tu me donnes chaud, c'est plus fort que moi. Mes doigts sur ta peau, de haut, autant en bas. De haut, autant en bas, de bas, bas en haut. Élève le niveau, j'attends plus de toi. Les bêtes de boule attirent les bulles. Piatch, mon bête de beat attire les bêtes de boule. Et na S en feed, tu voudrais faire comme nous. Chaque son est un hit, on t'a pris tout des sous. Alors comment, comment ne pas résister, résister. J'ai des jambes qui ne font que se décroiser. Ton déhanché me tente, buvons du champagne jusqu'à en exploser nos dents. Mais jette ton verre, fais-moi l'équerre, tes cuisses se resserrent. Sur le dancefloor on fait la paire. Montre-moi que quand tu te dandines, tu gères. Qui m'excite vraiment quand tu t'agites brusquement. Jette-moi serrer les dents. Je bloque, je craque. Faut qu'on est collé contre le mien, le braque. Wanna hear you say go close. Wanna hear you say go forth. Wanna hear you say come here. Wanna feel you near. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. Le son bouge ton beau beau beau, on te plaît beaucoup, on a flairé ton cou. Pour que la sueur coule, on fait péter la tête. Si t'as perdu tes couilles, on te fait sauter la tête. Si t'es chaud, tu mets tout clair, kicker tout clair. Ticket tout frère, coup de frais, tu perds et tu pleures. Juste le temps pour les tasses, c'est ce qui c'est un sourire. Foot quand le style soufflé, soué, scié, soué, pas. Viens, soupouille, on a retourné ta boîte. On passe sans les capotes, mon pote, on est rabat. Sans les râteaux, sans les raclés. Allez à dos, tu penses parler à qui? Pense collé à elle, il pense qu'elle est à lui. Les coups de bouteille, on les voit moins arriver la nuit. Mais c'est quand qu'on voit le sommeil. Attends, je fais briller la piste. Et c'est quand les bras se lèvent. J'ai saturé la liste. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. I can see it in your eyes, I can see, I feel your eyes. I can see it in your eyes, I can see it in your eyes. I can see it in your eyes. I can see it in your eyes. That's fool. Ginger. Biatch. Crève J là. Ah t'as oublié Crève J. Ah t'es une pute. Ah. C'est moi qui fais danser tout le monde et tout.